Les petites histoires de Tell Me. Captain Combe, justicier des campagnes. Les mains dans les poches, les yeux fixés sur le sol, l'air renfrogné, Combe marchait dans la forêt située derrière son village. Ou plutôt, Captain Combe marchait dans la forêt située derrière son village. À peine 11 ans, vêtu de son masque et de sa cape, le super-héros en herbe bougonnait tout seul dans les bois. La mèche blonde qui tombait le long de son front oscillait au rythme de ses pas. « C'est pas cool. Je voulais juste aider, moi. De toute façon, dès que j'essaie de faire un truc, ça tourne mal. » Autour de lui, la forêt était magnifique. Les arbres caressaient le ciel et les rayons du soleil perçaient à travers leur feuillage, comme des projecteurs mettant en lumière des éléments du décor. Au loin, on entendait gronder l'eau qui s'écoulait du barrage situé au-dessus du village. « Et puis, pas, il est jamais content, mais c'est juste que je veux me rendre utile, moi !» C'est vrai qu'en découvrant le champ inondé de Monsieur Lapince, son père n'avait pas été tendre. Mais l'agriculteur n'arrêtait pas de se plaindre. « Il pleut pas assez, mes récoltes ont besoin d'eau, il n'y a plus de saison, et patati, et patata. » Alors, avec ses super-pouvoirs, Captain Combe avait voulu l'aider. Mais bon... Il fallait bien se rendre à l'évidence, il avait eu la main lourde, et lorsqu'il fit apparaître des nuages pour que la pluie tombe, ça avait légèrement dérapé. Une tonne d'eau s'était déversée dans le champ de Monsieur Lapince, provoquant un mini-tsunami. Les vaches n'avaient jamais vu autant d'eau de leur vie. En les voyant surfer comme elles l'avaient fait, Combe avait trouvé qu'elles se débrouillaient pas si mal. Heureusement que son super-papa était intervenu pour limiter les dégâts. En deux temps, trois mouvements, il avait réussi à assécher le champ et à descendre les bêtes qui s'étaient retrouvées sur le toit de la ferme. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Tu as failli noyer tout le village. Même notre pire ennemi n'aurait jamais fait ça. » Blessé par la remarque de son père, Combe avait filé à la vitesse de l'éclair en direction de la forêt. Il aimait tellement cette forêt. Elle était si paisible. Contrairement à son village, qui lui était trop paisible. Il comprenait qu'après avoir sauvé le monde des centaines de fois, ses parents avaient eu envie de se mettre au vert. Mais pour lui qui rêvait d'aventures et de batailles épiques, ce lieu était loin d'être idéal. À part le chat de Tati Moisi, qui se perchait toujours en haut du même arbre sans jamais savoir comment redescendre, et le vieux Gustave, qui se débrouillait tout le temps pour coincer son déambulateur dans la première grille d'égout qu'il croisait, il n'y avait pas grand monde à sauver. Malgré tout, Captain Combe s'était mis en tête d'aider les habitants du village. Et au début, tout le monde était ravi de voir un enfant si volontaire, surtout un enfant avec de telles capacités. Super force, super vitesse, super laser. Captain Combe pouvait souder un portail en acier tout en jonglant avec des poutres en béton. Mais ça, c'était en théorie. Parce que dans la pratique, le jeune homme était particulièrement... maladroit ! J'en ai marre d'être maladroit ! C'est vrai que ces derniers temps, le garçon avait enchaîné les boulettes. Lorsque le vieux Philémon lui avait demandé de l'aider à soulever sa voiture pour la réparer, Combe n'avait pas contrôlé sa force et l'avait envoyé en haut d'un arbre. La famille Lajoie lui avait proposé de repeindre leur maison, et emporté par l'élan de sa super vitesse, il avait peint le toit, les fenêtres, et puis tout le jardin. Un chien féroce s'était jeté sur Madame Pied-Dur. Captain Combe s'était empressé de le congeler avec son super souffle, se rendant compte après coup que la pauvre bête voulait juste jouer avec sa maîtresse. Et puis, il y avait eu aussi l'épisode avec Madame Guibert, une dame de 93 ans qui s'endormait toujours dans son fauteuil roulant. Combe lui avait proposé une balade. Sauf qu'après avoir fait le tour du village, il s'était rendu compte qu'ils étaient en retard pour le dîner. Alors, tout en poussant la vieille dame, Combe s'était mis à courir. À courir de plus en plus vite, jusqu'à franchir le mur du son et faire exploser toutes les fenêtres du village. Le vacarme avait réveillé toute la commune. Excepté Madame Guibert qui ronflait encore. Malheureusement, cette succession de maladresses avait valu à Combe d'être aussi craint qu'un super vilain. Dès qu'il approchait, les habitants du village tournaient les talons ou s'enfermaient à double tour. En se remémorant ses tristes souvenirs, Combe s'enfonça un peu plus dans la forêt. « Si c'est comme ça, je ferai plus rien, et puis c'est tout !» Soudain, grâce à sa super ouïe, il surprit deux voix qui semblaient comploter quelque chose. Intrigué, il se rapprocha discrètement. Caché dans les fourrés, il découvrit deux hommes en lisière de forêt à côté d'un gros pick-up rouge. « Tu vois, le village est juste derrière. Ce soir, à 2 heures du matin, on fait tout péter pour se venger. Mais c'est pas un peu dangereux, ça? Mais c'est le but, triple idiot! On explose le barrage, on inonde le village et on peut enfin mettre la main sur le pétrole caché dans leur sol. Le maire apprendra qu'il ne faut jamais refuser un marché avec les frères Trottinelli. Rigolant grassement, les deux hommes remontèrent dans le pick-up avant de s'en aller. Les yeux écarquillés, Combe regarda la voiture s'éloigner puis se ressaisit. Il devait prévenir ses parents. En un éclair, il arriva chez lui et ouvrit la porte avec fracas. « Pa, maman, il y a une urgence !» En avançant, il les vit dans la cuisine. Sa mère était effondrée et son père tentait de la réconforter. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ses parents levèrent la tête vers lui. D'un revers de manche, sa mère essuya ses yeux humides. « Viens t'asseoir, mon chéri. Écoute, Monsieur Chaumaron, le maire, est venu nous voir. Si un autre incident se produit à cause de tes super pouvoirs, nous serons obligés de partir. Quoi ? Mais... » « Il n'y a pas de mais, Combe. » « Les habitants ont peur, parce que tu ne contrôles pas tes pouvoirs. » « Je ferai plus attention, je promets, mais là j'ai surpris deux hommes qui veulent faire exploser le barrage pour inonder le village. Il faut les arrêter !»« C'est toi qu'on doit arrêter, Combe. Et ce n'est pas le moment d'inventer des histoires pour jouer aux super-héros. File dans ta chambre et réfléchis à ce qu'on vient de dire. » Devant le ton autoritaire de son père, Combe ne chercha même pas à répondre et s'exécuta. Il s'allongea sur son lit et fixa le plafond, ruminant tout ce qui s'était passé. Exténué par toutes ses émotions, le jeune garçon sombra dans un cauchemar. Il était emporté par un torrent surpuissant qui l'emmenait vers une cascade vertigineuse qui se terminait dans un bouillon d'écume, comme se réveillant en sursaut. Son réveil affichait 1h30 du matin. Il devait sauver le village. Le jeune super-héros se leva et, sur la pointe des pieds, se dirigea vers la fenêtre. Il l'ouvrit le plus discrètement possible, bondit dans le jardin et s'élança vers le barrage. Il y était presque lorsqu'il entendit une détonation. Il accéléra et un battement de cils plus tard découvrit M. Chaumaron, le maire du village, armé d'une carabine face aux frères Trottinelli. En restant caché, Combe observa la scène. Tout tremblotant, le vieil homme pointait son arme vers les deux malfrats. « Déguerpissez d'ici, c'est compris ?» Les frères Trottinelli firent mine d'avoir peur et de remonter dans leur pick-up. Mais dès que M. Chaumaron baissa sa garde, le plus grand des deux se jeta sur lui et l'assomma d'une énorme gifle. Captain Combe bondit de sa cachette et adressa un regard furieux aux deux criminels. « Alors là, vous allez le regretter !» Les deux frères se figèrent en voyant un gamin déguisé en super-héros les menacer, avant de se mettre à rigoler bêtement. « Allez, frangin, attrape-moi ce morveux avant qu'il nous balance !» Le plus gros des frères Trottinelli s'approcha du garçon avec un sourire sadique. Sans se dégonfler, Combe avança vers lui, mais marcha sur son lacet et perdit l'équilibre. Battant des bras pour se rattraper, il envoya sans faire exprès son super poing dans la figure du voyou qui fut projeté contre le premier arbre venu, assommé net. « Saleté de mioche, tu vas le payer !» Ayant retrouvé l'équilibre, Combe esquiva les coups que tenta de lui porter le malfrat. Surpris par son habileté, il commença à fanfaronner. « Ah ah, je suis trop rapide, je suis trop fort, je suis trop... » Et c'est à ce moment que le garçon se prit les pieds dans sa cape. Il bascula en avant, assénant un super coup de boule au voyou qui partit s'écraser contre son pick-up. Combe n'en revint pas. Autour de lui, les deux hommes étaient KO. Il avait réussi. À côté de lui, M. Chaumaron reprit ses esprits. « Alors ça, c'est pas croyable! Comment t'as fait pour mettre ces voyous KO ?» Avec mes pouvoirs. Vraiment? Oh, merveilleux! C'est merveilleux! Oh, je n'en reviens pas! Tu maîtrises tes pouvoirs maintenant! Tout content, le vieil homme serra le super garçon dans ses bras en lui promettant une chose, le décorer de la médaille d'honneur du village. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps, racontée par Arnaud Guillot. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt!